je suis au CSE et toi tu me dis qu'on t'en veut. Notre rencontre c'était fatal, moi je fais dans le légal. Depuis je veux te revoir, que tu me racontais les boires. J'ai même posé une délègue pour te défendre, cher collègue. Comme témoin ta Véronique et aussi en logistique. Une lettre de Nathalie dit que les faits sont établis. Tu fais bien de me le dire, tu devrais même l'écrire. Je suis ton FBI grâce au code du travail. C'est toi que je t'aide. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aide. Vachement beaucoup. Je t'inventerai un domaine où on respecte la loi. Je bosserai toute la semaine, pas facile de rester zen. Je ferai des comptes rendus, compte sur moi, je suis têtu. Que même s'il le faut, je m'endurerai voir Thibaut. Je suis capable, comme les flics, de mettre fin au trafic. Et de passer tout l'été à continuer d'enquêter. Tu fais bien de me le dire, tu devrais même l'écrire. Je suis ton FBI grâce au code du travail. C'est toi que je t'aide. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aide. Je vais chauffer mon Mac, je serai ta secrétaire. Je veux que personne se braque, je serai bonne conseillère. Je répondrai du tac au tac, j'irai en salle CSE. Je te jure, plus rien sera opaque, j'écouterai les syndicats. J'informerai des nouvelles lois, je les afficherai pour ce mois. Et Christelle lâche le fardeau, on vient danser dans l'entrepôt. Tu fais bien de me le dire, tu devrais même l'écrire. Je suis ton FBI grâce au code du travail. C'est toi que je t'aide. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aide. Fardeau, viens danser dans l'entrepôt.